chez Dolbo Auto. L'automne est arrivé et nous payons les trois premiers mois de location sur le GMC Sierra 2017. Ou encore, venez voir l'Equinox 2017 à $22,995. Dolbo Auto, 1770 Boulevard Walbrook, Dolbo Mistassini. Au téléphone 418-276-0580. Tout le personnel et la direction de Dolbo Auto désirent vous rappeler qu'acheter localement préserve notre économie. On va parler de hockey maintenant. On sait que Samuel Girard et Frédéric Allard appartiennent aux Prédateurs de Nashville, mais avant la sélection, il y a toujours un dépisteur qui surveille de près un joueur de hockey. Et arrive le repêchage, il faut qu'il vende sa salade. Question de savoir davantage, on va parler avec le dépisteur des Prédateurs de Nashville au Québec, Jean-Philippe Glaude, pour savoir un peu comment est-ce que ça a été long à vendre sa salade lors du repêchage. Bon après-midi, Jean-Philippe. Bonjour. Jean-Philippe, est-ce que ça a été difficile d'abord de vendre la salade lors du repêchage de juin dernier pour repêcher Samuel Girard? Et on peut même ajouter Frédéric Allard là-dessus. Ben, en fait, je dirais pas nécessairement du seul de vendre la salade, là, parce que faut comprendre que c'est un travail d'équipe. Je sais pas comment ça se passe dans les autres organisations de la Ligue nationale au niveau du recrutement, mais chez nous à Nashville, on est vraiment une équipe de recruteurs, puis moi, effectivement, je vais identifier les joueurs qui font partie de mon territoire, mais par la suite, mon recruteur chef va venir, son adjoint va venir, puis partant de là, ben, on va être en mesure à un moment donné de vraiment mieux cibler, voir un petit peu les différentes qualités, qu'est-ce que les joueurs peuvent améliorer. Comme j'aime dire, un petit peu sentir un petit peu l'upside des joueurs. Puis dans ces deux cas-là, ces deux joueurs qu'on a réussi à quand même, qu'on avait identifié, que oui, on par la suite, on les a bien placés sur notre liste. C'est quand il est venu le temps de parler, ben, aux différentes rondes, là, ben, on a été en mesure de les sélectionner. OK. Est-ce que tu as été surpris qu'ils soient repêchés, que les deux soient disponibles en deuxième et troisième ronde? Je sais que dans le cas de Samuel, deuxième ronde, c'est à peu près là qu'on le voyait. Frédéric, si je me rappelle bien, on le voyait un petit peu plus haut, si je me rappelle bien. Surpris de voir que les deux ont été étaient disponibles au moment où est-ce que les Preds ont parlé? Ben en fait, je vais y aller dans chacun des deux cas. Dans le cas de Samuel, une chose qui est sûre, c'est qu'un repêchage, il y a toujours des surprises. Puis même si on entend certaines choses quelques jours avant le repêchage, on voit les listes sortir, il y a toujours des surprises. Donc, je vais prendre un parallèle avec Samuel. Là, l'année d'avant, il y avait eu Anthony Beauvillier où est-ce que tout le monde parlait, ben Anthony va sortir en deuxième ronde. Bon, ouais. Finalement, Anthony était sorti en fin de première ronde avec les Highlanders. Pour être honnête, je veux dire, tu sais, nous, un coup qu'on arrive sur le plancher puis que la première ronde commence, la deuxième ronde, je veux dire, on est tellement concentré sur notre liste de joueurs puis s'assurer que qu'on est toujours qu'on cible encore les gars qu'on veut, etc. Que à un moment donné, on pouvait peut-être s'attendre à ce qu'ils sortent en fin de première ronde, mais à partir de qu'on est arrivé le samedi et que la deuxième ronde a commencé, ben là, je veux dire, pour nous, c'était possible qu'on le repêche, comme c'était possible aussi qu'il parte avant. Donc, on n'avait plus nécessairement d'attente. Pour Frédéric, dans ce cas-là, je pense que pour nous, on l'a sélectionné exactement là où on le voyait. Donc, c'est-à-dire, on avait deux choix de troisième ronde. Donc, pour nous, qui était disponible dans ces deux choix-là, c'est un joueur qu'on prenait à ce moment-là. Donc, surpris, pas nécessairement. Là, oui et non, là. Okay. Faut juste comprendre que nous, on se concentre sur nos listes. Donc, tu sais, on va pas nécessairement analyser tout ce qui se dit puis tout ce qui se fait ailleurs. OK. Si on parlait maintenant de Samuel, je ne comprends pas d'histoire. S'il était disponible en deuxième ronde, c'est parce que c'est sa petite stature. Toi, là, je veux dire, de ce que tu vois présentement, est-ce qu'il y a une possibilité que Samuel... Évidemment, depuis le début, il est en feu depuis qu'il est revenu de Nashville. Mais sa production, est-ce que sa petite stature va le nuire? Ou vraiment, là, il y a du caractère, puis il va passer par-dessus ça? Ben nous, en fait, quand on repêche un joueur, c'est certain que si on le repêche, c'est que dans notre tête, qu'il soit en première ou septième ronde, on croit vraiment que le joueur peut atteindre la Ligue nationale, peu importe la manière. Donc, pour Samuel, je veux dire, quand on repêche un joueur comme Samuel Girard, on sait qu'il mesure 5 et 10, on sait qu'il est bon, peu importe. Donc, nous, c'est pas un facteur qui vient se dire, bah, on l'a repêché, mais peut-être qu'on n'est pas certain. Donc, tu sais, on l'a repêché pour ses qualités dominantes, son habileté avec la rondelle, son instinct offensif, sa capacité à bien se déplacer sur la patinoire. C'est un défenseur qui, défensivement, malgré ce qu'on peut entendre et lire, qui est excessivement efficace avec son bâton, toujours bien placé dans le bon angle, compétitionne, a du caractère. Donc lui, c'est des qualités qui font que si on regarde un joueur dans, chez nous à Nashville, Ryan Ellis, on pense que c'est exactement ce type de développement-là qu'il peut avoir. OK. Ben, c'est justement, puis les Prédateurs, pour tomber dans une organisation, là, vous avez vraiment bien formé vos défenseurs. T'sais, Shea Weber en est un exemple, Ryan Suter est un autre exemple, Ryan Ellis, Josi également, le défenseur de... Oui, Roman Josi. Roman Josi. Donc, vous avez vraiment, là, vraiment une historique de bien développer ces défenseurs. Pour Samuel, à quelque part, c'est vraiment été la meilleure organisation qui ne pouvait pas tomber, dans le fond. Là. Ben, écoute, c'est certain que on ne sera pas de cachette. Oui, on aime ce genre de défenseur-là. Donc, c'est pour ça que je te dis que la grandeur, c'est pas quelque chose nécessairement qui nous a fait peur parce que on aime les défenseurs qui déplacent bien la rondelle, qui ont une excellente mobilité, qui ont un bon instinct offensif. Après ça, ben, lui, il a son bout de chemin à faire en termes de développement dans les prochaines années. Puis comme je le répète, je l'ai dit à quelques reprises, il y a une qualité que les gens sont pas capables de mesurer, mais c'est tout ce qui est l'aspect en dehors de la glace. C'est un jeune garçon, un jeune homme qui est excessivement sérieux. Tu sais, on dit en anglais, ouais, sérieux, mais on dit en anglais, driven. Tu sais, lui, il a un objectif, c'est de jouer dans la Ligue nationale. Puis, quand tu lui parles, quand tu le vois agir, fait que ça aussi, ça amène un petit peu plus de confiance dans le choix qu'on a fait. Là. OK. C'est un style de Brian Rafalski, Sarah Spurgeon, un peu Ryan Ellis. C'est un peu dans ce style-là, dans le fond, là, Samuel Girard. Ouais, effectivement. C'est des bons comparatifs. Ouais. Là. Torrey Krug aussi avec Boston, qui pourrait être un bon comparatif. Là. Des défenseurs qui bougent la rondelle par en avant, qui sont mobiles et qui compétitionnent. Frédéric, alors, est-ce que ça, c'est un défenseur, je pense, qui est fort dans les deux zones, autant offensivement que défensivement? Lui, vous le voyez un peu de ce style-là aussi, j'imagine? Ouais, ben Frédéric, en fait, c'est toujours un joueur que moi, j'ai aimé. Là. Auparavant, j'avais travaillé avec les Wildcats de Moncton, puis la première fois que je l'ai vu évoluer, il évoluait dans un tournoi Bantam, équipe Bantam là, avec les équipes Québec, dans un tournoi Midget Espoir. Puis, c'est un joueur qui m'avait un petit peu sauté aux yeux parce que dans son groupe d'âge, il était le plus jeune. Puis c'est lui que je trouvais qu'il avait la meilleure compréhension du jeu. Fait qu'avec les années, je l'ai revu après ça Midget 3, je l'ai revu junior. Donc, moi, ce que j'aime, la qualité dominante de Frédéric, c'est vraiment sa compréhension du jeu. C'est un défenseur qui, son positionnement est excellent, comprend très bien le jeu dans les trois zones. Puis ce que je trouve ce qui améliore encore plus, c'est sa confiance avec la rondelle. Depuis un an ou deux ans, là, je trouve que je suis convaincu qu'il y a Nick Jean un rôle à jouer là-dedans aussi, là, qui a donné un bon coup de main puis qui l'a amené à un autre niveau. Fait que c'est des éléments que j'aime de lui. Après ça, sa progression, ben tu sais, c'est sûr que on va voir comment il va se placer l'année prochaine, possiblement dans la Ligue américaine, mais c'est un défenseur qui, encore une fois, est bon avec la rondelle, une bonne prise de décision, puis dans sa zone très, très efficace aussi. Piqué Souban, est-ce qu'il peut jouer? Parce que, évidemment, à Nashville, c'était Shea Weber un petit peu le mentor de des jeunes défenseurs. Mais vous avez fait une transaction Piqué contre Shea Weber. Est-ce que Piqué, on le connaît à Montréal, là, c'est pas nécessairement le modèle à suivre offensivement. Dans Ligue nationale, ce qu'on aime bien, c'est être bon également sans la rondelle et ainsi de suite. Est-ce que Piqué Souban peut être un bon professeur pour ces deux défenseurs-là? Bon, en fait, je vais être prudent, mais je vais pas m'embarquer sur ce cas-là dans le contexte de moi, Piqué Souban. J'ai aucun lien avec lui. Tu sais, moi, ma partie, c'est vraiment de cibler les joueurs qui peuvent éventuellement devenir des défenseurs, pas des défenseurs, mais des joueurs des Prédateurs. Mais, tu sais, je veux dire, les joueurs, on a tout le temps le même discours. Hein, quand on voit les jeunes recrues au camp, que ce soit des camps professionnels, tournoi des recrues, peu importe, les choses qui frappent les jeunes, puis même on pourrait en parler à Frédéric puis à Samuel, c'est que rapidement, ils comprennent que les joueurs qui sont dans la Ligue nationale, ce sont des professionnels partout. Donc, que ce soit sur la glace, en dehors de la glace, dans le gym, au restaurant, c'est des professionnels. Je veux dire, fait que là-dessus, je suis pas inquiète. Là, je veux dire, dans le sens que les gars arrivent, ils ont des modèles, ils voient ce qu'ils ont à faire, mais surtout, c'est de voir l'ensemble de l'œuvre, que ce soit Piqué Souban, Roman Josi, Mike Fisher, Pekka Rinne, ce sont des professionnels, c'est des gars qui sont capables de montrer le droit chemin aux joueurs. Tu le vois dans le cas de Samuel et de Frédéric Allard, tu les vois dans un horizon de combien d'années dans la Ligue nationale? 2 à 3 ans? Ouais, un an ou deux? Je pense que chaque cas est différent, chaque cas est unique. Okay. Là, moi, on n'a pas d'horizon parce que le hockey change très rapidement. Ouais. Il y a des décisions qui se prennent, il y a des jeunes qui progressent. Je pense pas que personne voyait nécessairement un jeune homme. Là, je parlais d'Anthony Bouvillier, un jeune homme qui a percé l'alignement des Highlanders. Ben, donc, ça évolue vite. Nous, on repêche un joueur. Logiquement, on se dit qu'il va aller faire ses classes un petit peu dans la Ligue américaine, comme Ryan Ellis a fait, puis exemple, puis par la suite de jouer à Jules. Donc, on n'a aucun horizon. C'est au joueur, dépendamment de ses performances et son développement. OK. En terminant, moi, j'ai entendu dire, oui. Dis-moi si c'est vrai, j'ai entendu dire qu'à travers les branches que la Ligue de hockey junior majeur du Québec est tellement mal cotée que si ce ne serait pas des Européens qui jouent dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il y aurait beaucoup moins de dépisteurs et beaucoup moins d'organisations au Québec. Est-ce que c'est vrai? Moi, j'ai jamais entendu ça. Okay. Tu sais, moi, le travail, là, je pense que ça va par vague. Hein. D'année en année, il y a des meilleures vagues. Il y a eu des années, il y a 2 ans, avec le groupe d'âge des 96, des 97 puis des 96 late, que ça avait été une excellente année pour aller à GMQ. L'année passée, ça a été un peu plus difficile. Il y a des années, j'étais pas encore avec les Prédateurs, mais les années de Jonathan Drouin, Anthony Manta, ça avait été aussi des bonnes années. Donc, tu sais, c'est par vague. Je veux dire, il y a du talent, il y en a au Québec comme il y en a ailleurs. Après ça, il s'agit de comme je dis, tu sais, je veux dire, de bien l'évaluer, de bien le classer, puis d'avoir un feeling pour les joueurs qu'on aime. OK. Ben Jean-Philippe Claude, très intéressant. C'est fort agréable. On va avoir l'occasion sûrement de se reparler peut-être un C4 de la côte Samuel Girard. Bon, ben ça fait plaisir. Le dépisteur des Prédateurs de Nashville au Québec, Jean-Philippe Claude.